Bon, une nuit sans pub là sur NRJ avec tous vos hits préférés. Bah, comme ça, on est bien. Puis ben là, 4h du mat, on va écouter Offenbach. Offenbach dans la playlist NRJ. Il y aura aussi Dadju et Jane. Et puis le meilleur de Mickaël, le Rico Chocoé et le meilleur de Manu dans 6-9 sur NRJ. Bienvenue. Courage pour le réveil, c'est Cédric sur NRJ. Bonjour tout le monde, on va écouter Dadju dans la playlist NRJ. Derrière, il y aura Jane, il y aura aussi Aya Nakamura, George Ezra. On se fait toute la playlist NRJ, puis on se fait aussi le meilleur de Mickaël sur NRJ, c'est dès 23h en direct. Et écoutez, si vous prenez souvent l'avion, il y a Julien qui est passé dans l'émission et il avait 2-3 conseils à nous donner, écoutez. Bon, Julien est avec nous à Rennes. Bonsoir Julien. Bonjour Mickaël. Ça va hein? Bonjour. Ça va. Ça n'a pas l'air. Bah oui, nous on va bien, hein, mais toi t'as l'air un peu triste, non? Ah, si. Non, moi je suis crevé, moi c'est tout. Ah d'accord, ok, bon alors ça va. Bon, Julien, qu'est-ce qui se passe? Non, bah, moi je voulais réagir, j'ai lu un article là, début de semaine, là, il y a c'est dans une compagnie polonaise, ouais. Pour un vol Varsovie-Pékin, ils ont un vol retour, ils ont été obligés de se cotiser les passagers pour acheter une pièce pour réparer leur avion. Ah oui. Non mais c'est quelle bon angoisse. Ça. Mais oui mais c'était une compagnie en bois. Enfin je veux dire c'était pas la vraie compagnie nationale. C'était Bruxelles Airlines. Si, mais non. C'est la compagnie nationale polonaise. Sérieux mais ouais. comment ça peut arriver ça? Je te jure. Parce que c'est déjà arrivé aux États-Unis je me souviens. C'était en fait la compagnie était vraiment en mode ils avaient plus un bal, c'était la faillite ce que tu veux. Et en fait l'aéroport comme ils avaient pas reçu les taxes d'aéroport, ils ont refusé que l'avion décolle. Et donc pour partir les passagers ont dû cotiser. C'était un petit avion hein, mais bon ils ont quand même dû se cotiser pour payer en liquide les taxes d'aéroport à l'aéroport pour qu'ils puissent partir. Mais bon, la compagnie a fait vraiment faillite une bonne fois pour toutes. Mais en France, ils ont, je crois que c'est à Bordeaux, je sais pas quoi, ils ont bloqué un avion de Ryanair parce qu'ils payaient pas leurs taxes. Ils devaient 200 000. Ah, je sais plus, ouais, mais une grosse somme. Ils ont dit l'avion part pas, on le garde. Putain, tu vois. Même il y a plein de compagnies comme ça. Regarde même Air Berlin là quand ils ont fait faillite. Ah bon? Mais toi ta gueule, j'ai le pote de copine à moi qui avait pris ses billets pour rentrer en France parce que bref il habitait aux États-Unis et il a appris 2 semaines avant que la compagnie avait coulé et terminé quoi. Il a perdu 2000 balles de billets. Ouais mais il va les récupérer, rentrer. Il va être indemnisé, c'est pas. Oui, enfin dans 2 ans quoi, c'est-à-dire. Oui, d'accord, mais ça après. Moi, t'es dans la demeure quoi. Ouais, c'est ça, sûrement même t'es un peu dans la misère effectivement. Ouais. Bah un peu beaucoup oui. Enfin oui beaucoup 4000. Même. Ouais c'est ça. Ouais. Bon, et putain, et du coup, donc ça peut arriver. Donc gardez toujours un petit peu de cash. Dès que vous prenez l'avion, ouais, on sait jamais qu'il y ait quelques trucs à payer, si tu veux. Ou des pièces. Ouais, c'est ça, ouais. Si et donc, du coup, Julien, et quoi, mais ça a coûté cher la pièce, Jean ? C'est pas mis dans l'article que j'ai lu, la pièce, mais c'était un moteur hydraulique sur un Boeing, un Dreamliner, un machin pour vous. Un Dreamliner, mais le 787 ? Mais attends, tu rigoles ou quoi ? Si la compagnie, ouais, les moyens de s'acheter un 787, ils ont les moyens de payer une pièce, ouais, de l'avion quand même. Ils l'ont peut-être pas payé. Hein. Ils ont lancé un message à l'embarquement, là, le chef d'escale a lancé un message à l'embarquement. Ils ont demandé aux passagers de se cotiser. Alors, au début, ils voulaient pas. Et au final, il y en a quatre qu'on a eu plein de cul, quoi. Ils ont payé la pièce et les réparations. Ils ont été remboursés en arrivant à Varsovie. Ils ont fait un ramdam pas possible là-bas, mais ici, ils ont été obligés de payer leur pièce pour partir. Mais moi, je vois déjà la scène si jamais on avait été dans l'avion. C'est-à-dire que tout le monde se serait cotisé, tout l'avion, et à la fin, Mickaël aurait dit « Oh, bah c'est dommage, j'allais payer !» C'est ça, ouais. Sûr et certain. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah toi, tu n'aurais pas dit de toute façon, hein, puisque tu payes jamais. Ah, je paye jamais. Ah bah écoute, je suis ravie de l'apprendre. Hein. Ouais. Bien, bravo. Ravie de t'avoir invité à manger de nombreuses fois. Très grave. Je me fie à mon tableau des dettes. Ah, ton tableau. Ah oui, bon, bah écoute, j'aurais mieux fait de m'abstenir à Miami. Bon, bref. Oh là là là là. Bon, hey, Julien. Bon, tout ça pour dire que c'est quand même bizarre cette histoire. Mais en plus, la compagnie polonaise, c'est LOT, non ? LOT Polish Airlines, oui, je sais pas quoi, là ? Oui, LOT, oui. Moi, bon, je trouve ça bizarre cette histoire du. En plus, le Dreamliner, encore, c'est un vieux vieux coucou. Et puis même, le responsable d'escale a été convoqué pour faute grave, justement, à cause de ça. Putain, tu m'étonnes. Et les quatre passagers ont été remboursés avant même qu'ils aient mis le pied à Varsovie, mais c'est les passagers qui ont été obligés de payer pour réparer leur avion pour pouvoir partir de Pékin. C'est quand même. Ouais, mais si ça se trouve, c'est les Chinois qui étaient en embrouille avec la compagnie, et du coup, pour faire chier, ils ont dit ouais, bah nous on vous donne pas la pièce, tu vois. Ouais, peut-être bien, ouais. Sauf si vous la payez tout de suite. Bah, peut-être après. Écoute, bon, en tout cas. Ouais, mais chelou. En tout cas, merci pour l'info quand même, Julien. Tu rappelles quand tu veux. Bah, de rien. Ça marche. Bonne soirée, les gars. Salut, Julien. Ciao. À bientôt. Salut. Allez, tchuss. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami, hein. À qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux. Quand j'aime je suis jaloux. Si je t'aime je suis jaloux. Évidemment je suis jaloux, yeah. Bébé tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde. C'est que mon tour finira par arriver. Oui. J'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Jaloux. Ouais, vous êtes sur Énergie. Salut, salut. Bon réveil. J'espère que c'est là ce matin. C'est Cédric sur Énergie. On est vendredi. Ouais, le 23 novembre, c'est le Black Friday aujourd'hui. Voilà, bon shopping hein, pour ceux qui ont prévu ça. On sert Jane dans la playlist Énergie. Aya Nakamura juste derrière. Et puis le meilleur du Rico Show sur Énergie. Et on a parlé triche. C'était mardi soir sur Énergie. Écoutez. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Oui, on a Océane qui est notre tricheuse notoire. Océane qui a une jumelle, elle arrête pas de tricher. Et t'es en angoisse, Océane, parce que t'as envie d'arrêter, hein. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, j'ai des examens là dans pas longtemps. Et puis j'aimerais bien quand même, pour une fois dans ma vie, faire quelque chose sans tricher, quoi. Mais voilà, j'ai besoin de vos conseils, je sais pas trop comment faire. Et tu te sens bien dans ta peau? J'ai besoin de vous. Tu te sens bien dans ta peau? Ou est-ce que t'as l'impression que t'es une autre? Ouais, non. T'as l'impression que tu mérites, t'arrives à te regarder dans une glace, ouais, le gars qui te fait rire. Ouais, parce que tricher, c'est un peu se mentir à soi-même. Ah, je trouve que t'es dans une tricherie. Est-ce que pour téléphoner, t'as triché? On l'appelle Madame Tricher d'ailleurs. Ah ouais, merci Sylvain. Sarah. Non, moi pour vous dire, j'ai triché toute ma vie et même au permis, j'ai triché. C'est pas vrai. Pour te dire, en fait, j'avais demandé à une pote à moi, Siam, de se mettre devant la voiture que je conduisais, ah ouais, pour justement parer à tous les feux, aller un petit peu doucement, etc., que je me prenne pas de feu orange. Ah, c'était un poisson pilote. Ouais, ouais. T'étais en filature. Je te jure. Et à tout moment, l'instructeur t'a pas dit à droite, à gauche, au milieu? Non, non, elle suivait, je te jure. Mais elle suivait où? Devant ou... Non, je te dis qu'elle était devant. En fait, c'était un parcours. C'est, tu vas sur l'autoroute, c'est au Kremlin Bicêtre. Ouais. Hein, c'est grand, c'est petit le Kremlin Bicêtre. Ouais, non, c'est pas petit. Bah, si, c'est petit le Kremlin Bicêtre. À mon avis, c'est encore ce qu'on t'a fait croire, là, l'histoire du poisson pilote. Tu me la passeras, elle a l'air pas mal. Hein. Non, franchement, Sylvain. Non, mais je comprends mieux, hein, parce que t'es déjà monté avec Sarah. Ah, bah oui. Elle fait tout à l'envers, en fait. Mais attention, moi, je crois qu'elle a pris à dos de chameau. Je pense que tu l'as eu au bled, c'est pas possible. Tu conduis ta voiture comme un chameau. Ah, j'ai eu 18 sur 20. C'est pas. Oui, pour ah, c'était dire. Vraiment Kremlin, ouais. Bicêtre. Ah, je te le dis. Elle a pris le code à la route, elle l'a mis à l'envers. Merci. J'aime. Non, moi, j'avais une technique pour tricher. Tu sais, c'était sur la règle en fer. On l'a tous connu, cette règle en fer, tu vois. Ouais. Et en fait, tu écris au crayon à papier, là, comme on dit. Au crayon de bois. Au crayon de bois, voilà. Truc, moi, l'ancienne. Et en fait, j'écrivais tout ça. Et dès que le prof, il arrivait, j'effaçais, tu sais, parce que ça part vite. Et au moins, je me faisais pas choper. C'est vrai, ça, c'est pas mal. Ben oui, c'est énorme, ça. C'est pas mal ce délire. Moi, j'aime bien. Mais oui, ouais, c'est un truc de boulot, ça. Ouais. Ouais, c'est nul. Mais non, tu fais ça. Non, mais autant mettre dans la trousse. Moi, je mettais un miroir, je mettais une affiche et tac. Et après, quand le prof il arrive, comment tu fais? Tu tournes le truc, il va pas fouiller dans ta trousse. Mais évidemment. Le moi, j'ai cramé à un moment donné, j'ai dit j'arrête quand je trichais. J'ai dit je vais prendre mon cahier de cours et je le pose. Et je te jure que le faire en flag comme ça, tu prends ton cours, tu le poses sur la tête de ma mère, le prof il pense pas que tu triches. Ouais, il dit c'est pas possible, c'est son sous-main à son. Moi j'ouvrais le truc, je te jure, je le mettais, pam pam, je me faisais cramer. Je te jure, tu fais pas cramer. Tu prends ton cours, tu le poses. Voilà, ouais, qu'il y a. Même les feuilles de brouillon, tu les remplissais à l'avance. C'est ça, voilà. Je te jure. Il y a un mec, le mec ou quoi? Attends, mais t'es sérieux? Non, je te jure, c'est tellement gros que le prof il calcule pas. C'est tellement gros qu'il calcule pas. C'est quoi ta classe? J'ai déjà fait ça, je peux dire, j'ai pris deux tartes. Océane. Brouillon, c'est comme ça que j'étais au bac. Et ensuite, tes feuilles de brouillon, et au moment où tu retournes les feuilles, t'inverses les feuilles de brouillon entre ce que t'as écrit et... Et ça marche, mais bon, après, je le conseille pas. Hein. Ouais, bien sûr. Après, ce que tu fais, moi, j'avais une technique sur ça, c'est que je faisais au stylo friction. Donc, comme ça, les feuilles de brouillon, quand tu vois, ils te les passent et qu'ils les récupèrent, t'écris, et une fois que t'as triché, pour pas te faire cramer, t'effaces tout ce que t'as écrit au stylo. Ouais. Comme ça, en fait, ce que t'as, c'est effacé, et ça s'efface super vite. Comme ça, en fait, tu laisses pas de traces. C'est-à-dire que le truc qui t'a servi sur le premier exercice, sur le premier quart d'heure, tu sais que t'as eu la note. Ça a rien de te faire pécho, t'effaces. Ouais, c'est vrai. Oui, et c'est ça vrai. Dégage. Ah ouais, t'as des sacrées techniques, toi. Hein. Ah bah ouais. Hein. Franchement, ouais. On n'est pas tous nés neuneux. On était pas dans la même classe. Apparemment. Ah bah écoute, t'as arrêté l'école en CP, frère. Là, moi par contre, j'avais une technique de ouf. Vas-y, raconte. J'avais une copine, tu vois, elle avait des grands cheveux comme Sarah. Ah ouais. Super. Ah bah avec ça, tu peux écrire. Et en fait, j'écrivais derrière son dos, d'accord, tu vois, tout le conducteur, enfin tout le truc de le truc d'histoire, tu vois. D'accord. Les le dates, cours. Tu vois, les dates, les trucs importants. Ouais. Et dès que le prof y passait, hop, elle mettait un petit coup de dos. C'est pas. Et comme ça, bah ouais, les cheveux ils se dégageaient, je voyais les dates apparaître. Ah, d'accord, dans le dos. Moi j'avais un truc véridique, c'est que mon frère, en fait, il a redoublé, on était dans la même classe. Et du coup, au brevet, il était juste derrière moi. Tu vois le délire? Ouais. Et voilà, maintenant il y a prescription, mais tu sais, t'as les dates spatio-temporelles. C'est-à-dire que t'as une frise avec des dates et toi tu dois mettre l'événement qui s'est passé. Dans l'ordre chronologique. Voilà, dans l'ordre chronologique. Et moi, mon frère, en fait, il était en galère, il m'a gratté le dos, je lui ai montré la frise et il a eu le brevet avec un point. Wow. Et ce truc-là, il t'apportait 14 points ou 12 points, c'était un truc important, je te jure. Et il l'avait, il était toujours derrière moi. Et c'est une angoisse parce que autant t'as un pote, tu peux faire le gars qui sait pas laver les oreilles. Ouais, ouais. Mais quand t'as ton frère qui est derrière, tu pourrais. En vérité, t'as pas le droit. T'as le frère qui est derrière, il te dit, s'il en galère. T'es obligé. C'est la famille. C'est-à-dire que là, les deux, on aurait été privés d'examen. La famille la plus conne de France. Non, mais là, on était cuits, tu vois le délire. L'histoire de ouf. L'équipe est dans la chaise et tout, là. Ah ouais, bah là, je peux te dire, et puis c'est ton frère. T'es obligé de l'entendre. La voix de ton frère, tu l'entends tout le temps, t'es pas bien. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep. When you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, you felt alive. You better cry, man, cry, man. Only me to care. You better cry, man. You better love, man. You better love, man, only me to share. Bombardez, bom, bom, bombardez, bom. fraîche, moi. Énergie, c'est vendredi matin, bon réveil tout le monde. J'espère que c'est là ce matin, que vous avez tous bien dormi. On va écouter George Ezra dans la playlist Énergie. Marnik et Smack aussi dans la playlist Énergie. On se fait ça juste après le meilleur de Koé. 17h de retour cet après-midi en direct. 17h30 aussi le cash-cash Énergie chez Koé. Vous allez gagner jusqu'à 10 000 euros. Vous envoyez Koé au 7-10-12 pour vous inscrire. En attendant, voici ce qui s'est passé hier après-midi dans l'émission sur Énergie. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Bonjour, je suis dans un love shop. Mais c'est tellement plus joli le love shop, ouais. Bien sûr. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie, comment allez-vous? Bah ça va bien, merci vous. Ah, bah ça va très très bien, quel est votre prénom? Véronique. Ça va Véronique? Il y en a pas deux qui vous tiennent, non Véronique, gros oh, non, oh là là, loin de nous cette vanne. Véronique, vous faites quoi dans la vie? Donc vendeuse dans un love shop. Mais vous le savez très bien, Koé, vous venez chaque semaine. D'ailleurs, on a une ardoise qui vous attend. Il va falloir penser à payer. Vous êtes dans quelle ville? On est à côté d'Annecy. À côté d'Annecy. Alors, est-ce qu'il y a une bonne clientèle à Annecy? Parce qu'Annecy, c'est quand même très bourgeois. Oui, très... c'est ouais. Calme, oui. Est-ce que c'est calme ou alors... C'est des coquins, quand même. C'est des coquins. Annecy nocturne. Alors, sans faire peur à tout le monde, quel est le truc qui se vend le plus en ce moment? Les Lossona, je pense. Le sauna? Un simulateur clitoridien. Ah, ouais, je dis sans faire peur à tout le monde. Ok, d'accord. Oh, ça fait pas peur. Bon, un simulateur... D'accord, c'est un truc qui fait... Voilà. D'accord. Ouais. Bah oui, ça fait ça. De toute façon, tous les objets que t'achètes, ils font. Je pense qu'à un moment donné, t'es chez toi, tu sais plus si c'est ton portable qui vibre ou si ton truc s'est déclenché. Attendez, plus personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est quand tu décroches, tu fais allô et tu continues d'entendre. Voilà. Mais c'est lequel? Bon, on n'est pas là pour ça. J'ai besoin que vous me fassiez un petit coup de promo, ça serait gentil. Est-ce que vous avez. Alors, je pense que j'ai la réponse, mais est-ce que vous avez un micro dans le magasin? Non, on a alors, pas de micro. Est-ce que vous acceptez de lire le petit texte promo pour dire que je suis de retour sur Énergie? Mais oui. Alors, voici la phrase. Elle est toute bête, papier, stylo? Oui. Ok, donc tous les jours... Oui. Écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. Alors, de 17h à 20h sur Énergie. Et là, je laisse mon équipe trouver une chute. Ça fait pousser le zizi. Ça fait pousser le zizi. Alors nous avons ça fait pousser le zizi à ma gauche. Ça fait durcir le zizi. Plus pratique qu'un simulateur. Non, vas-y, ça rime avec énergie, toi. Tu vas où, simulateur? Non, mais 17h à 20h. 17h à 20h, sur énergie. Ça procure du plaisir. Ah, c'est génial. Avec énergie, quoi. On va te dire. C'est bien. J'ai rien là-dessus, moi. Eh bah, t'as rien là-dessus. Mais non, qu'est-ce que. Non, c'est un mauvais zizi. C'est mieux qu'un faux zizi. Parce qu'ils vendent des faux zizi. Ok, on garde la note. J'ai un truc, mais je peux pas dire. C'est cool. Dis-le-moi, non, Henri. Dis-le-moi, fais le tour, vite. Coco, tu sais très bien qu'on peut pas dire ça. Excusez-moi, mademoiselle, on est en réunion technique. Hein. C'est un... Vous pouvez commencer la dictée de 17h à 20h. Ah ouais, si, ça fait moins mal que la. Oui, bah non, tu peux pas le dire. Alors. Je m'en doutais. Alors, on y va. De 17h à 20h. Donc, vous commencez par. L'idéal serait de dire chère cliente, cher client, mais cher coquin, chère coquine, c'est plus adapté. Alors, cher coquin, cher coquine. Alors que chez le roi Merlin, ça passe moins bien. Ouais. Cher coquin, cher coquine, moins 20% au rayon six sauteuses. Donc, cher coquin, cher coquine, de 17h à 20h. Alors, cher coquin, cher coquine, tous les jours. De 17h à 20h. Heureusement que vous avez rajouté tous les jours, j'avais oublié. De 17h à 20h. Voilà. Écoutez, Koé, sur Énergie. Et puis la fin, c'est quoi alors, la chute? Ça fera durcir le zizi. Ne s'y riez pas, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des scientifiques qui bossent sur le business en ce moment. C'est gênant d'ailleurs. Ils n'ont pas la réponse, mais ils vérifient les trucs. Vous l'avez? Okay. On répète avant que vous le disiez à tout le monde. Allez-y, faites-le moi pour moi. Alors, cher coquin, cher coquine, tous les jours, écoutez Koé de 17 à 20h sur Énergie. Ça fera durcir le zizi. Excusez-moi, vous faites un duo là, c'est une option. Il y a quelqu'un qui a, mis sa carte bleue. Pourquoi vous êtes deux d'un coup? C'est le J. C'est le nouveau disque des Brigitte, elles ont changé. Hein. Vous êtes deux? Ah, c'est génial. Oui. Alors, et là, vous l'avez fait. Où est-ce que vous pouvez le faire plus fort encore pour tous les clients dans la boutique? Bah oui. Ah oui, là, c'était une répète. Attention, c'était une répète, c'est entre nous là.

Vous êtes sur Énergie. Bonjour tout le monde. Bon réveil. J'espère que ça va aujourd'hui. On va écouter Amir dans la playlist Énergie, Kaiser Panda et Kaigo. Ça, c'est la suite pour vous. Et puis là, c'est le meilleur de Mickaël. 23h jusqu'à 3h chaque nuit sur Énergie. Et Francis, un habitué de l'émission qui est passé nous voir écouter. Il y a Francis qui est avec nous maintenant. Bonsoir Francis. Salut, ça va bien? Ça va? Bonsoir. Et vous, ça va? Bah oui, écoute, pourquoi ça va très bien, oui, ça va très bien, Francis. T'appelles de Besançon, toi? Je vais te raconter un petit truc. Qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Il y a moins d'une semaine et demie, je redescends avec un Anglais, mon ami Marcus, donc elle est sur la voiture anglaise, pour un mariage. Et arrivé à un péage, donc avant d'arriver à ce péage-là, je te raconte, on venait pour un mariage. Le mariage de la fille de mon ami. Et lui, il ne voulait pas participer à la noce de mariage. Donc, on est allé au café du coin. Il a bu quelques canevas. Tu vois, un ça peu de gros, coup, ça fait combien de whisky. Personne de Vesoul à la radio, là. Attends, deux secondes. Je serai en train de parler à la radio. Oui, oui, bonjour à Vesoul. Bon, très bien. Et donc, Francis. Voilà, attends. Donc, mon ami arrive avec une voiture anglaise. Oui. D'accord. Son volant se trouve à gauche. Ah, d'accord. Oui, enfin, il est dans le sens opposé de chez nous, quoi. On va pas commencer à compliquer. Donc, hein. Pendant la période du mariage, lui, il décide de ne pas venir au vin d'honneur. Il va au café du coin, il a bu quelques canevas et quelques petits verres de whisky. Ça fait plaisir d'un petit jour au mariage. Oui, c'est sûr, mais il avait pas envie de s'ennuyer. Pendant la période de la cérémonie, il avait peur de s'ennuyer, c'est dramatique. Voilà, il avait peur de s'ennuyer, voilà. Tu comprends, il avait peur de s'ennuyer. Oui, c'est ça. Oui. Et puis? Et pendant la période du repas, écoute, il a continué à boire quelques grands verres de vin rouge. Et après, il a fallu partir. Donc, on est parti en voiture et c'était moi qui conduisais. Arrivé à un péage, je ne sais pas lequel, mais celui pas très loin de Besançon, on a eu un contrôle d'autorité pour l'alcoolémie. Donc, l'assurant gendarme qui est venu contrôler le conducteur qui se trouvait à ma droite, à ma gauche, pardon, excuse-moi, je lui ai demandé c'était un contrôle d'alcoolémie, est-ce que vous avez bu? Il lui a dit, ben oui, j'ai bu. Voilà, j'étais à mariage à ma fille, je voulais pas aller à la messe de noces. J'ai complètement décroché, je ne sais absolument plus qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui se passe, Francis. Le problème, alors, c'est que tu n'as pas décuvé depuis. Oui. Alors, son pote donc était, en fait, je viens de découvrir ça, au mariage de sa propre fille, mais n'était pas au vin d'honneur parce qu'il avait peur de se faire chier. Ah oui. Voilà. Donc, il est donc parti se bourrer la gueule au bar du coin. Voilà, tout à fait. À la fin, donc, ils continuent de teaser tous les deux pendant tout le mariage. Et à la fin du mariage, Francis se retrouve à conduire cette voiture anglaise, donc à droite. Et au moment du contrôle de l'alcoolémie, le policier arrive à gauche. L'aspirant vient directement sur la gauche pour contrôler le mec sans vérifier qu'il a le volant aux mains, quoi, tu vois. Pour contrôler le passager, quoi. Oui. Il y a un message de Mickaël qui dit là, il est positif. Oui. Ah bah oh. Et lui dit. Il allait exploser le côté. Il voulait bien souffler dans le ballon. Donc il est positif. Donc le gendarme me dit, vous savez que, avec tout ce que vous m'avez dit auparavant, parce qu'il lui dit, vous avez bu? Il dit, oui, j'ai bu ça pendant le vin d'après mariage, j'ai bu ça pendant la noce, j'ai bu ça pendant le mariage. Oh là là, donc il dit, le gendarme, vous êtes bourré, vous êtes ivre. Donc il dit, oui, je suis ivre. Et le gendarme lui continue en lui disant, soufflez dans le ballon. Donc effectivement, le test s'avère positif. Il dit, bon, il va falloir qu'on immobilise le véhicule. Et mon pote, tu dis, avec son accent anglais, mais vous savez que c'est une voiture anglaise et que c'est mon ami qui conduit à droite. C'est chelou quand même qu'ils aient parlé. Mais c'est, parce qu'il y a un auditeur qui dit, je la connais, c'est une blague. C'était une blague, en fait, c'est pas une histoire, c'est pas une vraie histoire. Ah non, c'est une vraie histoire. Ah, et je te raconte, et comment c'est véritablement repassé. L'assurant n'a pas su gérer le volant. Et il n'a pas su gérer. C'est vrai que c'était très compliqué de faire le tour de la voiture, quoi. Non, mais je te promets, écoute, déjà, il n'a pas vu que c'était une plaque anglaise. Il n'a pas vu que le volant s'est ouvert à droite. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ah ouais. Et donc le mec, en fait, il a contrôlé le passager, quoi, en croyant que c'était le conducteur parce que le volant était inversé. Mais quand même, Mais en fait, le mec était aussi bourrasque, quoi, c'est ça, c'est-à-dire que non. Après, c'est eux qui sont inventés le truc, hein. Il était bourré, il était vraiment très bourré, c'était positif. Oui, on a compris. Et là, quand l'assurance s'est penchée, il a vu que c'était moi qui conduisais, où j'ai soufflé dans le ballon. Effectivement, j'étais négatif, mais voilà. L'anecdote que je voulais vous présenter ce soir. Ah oui, d'accord, ok. Ben, donc, on a de la chance, elle est 2 sur 2 pour l'instant. Attention, et jamais 203. Hein. Ah bah écoute. J'ai hâte d'avoir le troisième sujet de ce soir. Conduisez des voitures anglaises, elles sont formidables.

quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiere el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo mueva. Con la mano para arriba, mamita, yeah. Preguntaré a la gente, el ambiente está caliente, yeah. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta, en Venezuela que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Vous êtes sur Energy, salut tout le monde. Bon réveil, belle journée. On est le 23 novembre aujourd'hui. J'espère que c'est là ce matin. On va écouter Kygo avec Imagine Dragons dans moins de 3 minutes. Claudio Capeo le tout dernier juste derrière. Et là c'est le meilleur du Rico Show. C'est à 20h le soir en direct sur Energy et le matin en best-of. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Energy. On y est les amis, on se fait l'appel là. Allez ouais. La fausse phrase énergie, ouais. Samuel qui piège Catherine à qui on a fait croire qu'elle pouvait gagner une voiture à 10 000 euros. Il n'en est rien les amis, d'ailleurs JM est déjà au standard et lui derrière sera là pour enquiller. Comme on entend mal la mère, on prend un autre auditeur, ah, oui. Assez perdu, tant pis pour elle. De quoi lui mettre les boules, c'est énorme ça, aïe, aïe, aïe. J'adore, on y va, c'est parti. Allô ? Catherine ! Oui, bonsoir. Catherine, bonsoir, je m'appelle Rico, Aymeric Bonnery, vous êtes là de 20h à 23h et vous pouvez remporter une voiture d'une valeur de 10 000 euros. Ouais. Catherine, j'ai qu'une seule question à vous poser. Oui, est-ce que vous avez la phrase pour remporter cette voiture à 10 000 euros? Tout à fait. Allez-y. La seule émission qui vous fait gagner une voiture à 10 000 euros. Allô, Catherine, on vous entend très mal, Catherine. Catherine, je vous entends très mal. J'ai Maître Kiki en face de moi, notre huissier. Il va falloir nous valider la phrase. Vous m'entendez, Catherine? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Alors, j'entends rien. Allez-y, Catherine, c'est bon, allez-y, faites la phrase. Allez-y. La seule émission qui vous fait gagner. Changez de pièce. Allez, tant pis, on n'entend pas. On n'entend pas Catherine, on n'entend pas Catherine. C'est dommage. On a Jean-Marie qui est au standard. Bonsoir Jean-Marie. Ouais. Jean-Marie. Salut toute l'équipe. Salut. J'ai la phrase, je capte bien. La seule émission qui vous fait gagner une voiture à 10 000 euros, c'est Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie, on a eu quelques problèmes avec Catherine. Tu es l'heureux gagnant du coup. Est-ce que tu peux nous donner la phrase? La seule émission qui vous fait gagner une voiture à 10 000 euros, c'est le Rico Show sur Energy. Bravo Jean-Marie. Jean-Marie, tu viens de remporter une voiture à 10 000 euros. Comment tu te sens? Merci Rico. Mais je ne suis pas Jean-Marie. Comment tu te sens Jean-Marie à l'idée d'avoir gagné cette voiture? Mais je suis heureux d'avoir mon permis en plus Rico, c'est magnifique cadeau. Bravo Jean-Marie. Bravo Jean-Marie. Catherine, j'entends rien, moi je m'en fous de Catherine. C'est Catherine. Moi qui gagne, Catherine. Alors attention, on me dit qu'on a entendu aussi Catherine sur les réseaux. Je suis un petit peu. Alors on va essayer de récupérer Catherine. Catherine, vous êtes là? Oui, tout à fait. Ah Catherine, on vous a pas entendu. Bah non. Ah ouais. Alors, je vous répète la phrase ou non, pas? Non, Catherine, Jean-Marie nous a dit la phrase, elle est pour lui la voiture, Catherine, je suis désolé. Je suis désolé Catherine. Eh ben je vous ai pourtant tout dit. Jean-Marie qui vient de remporter la voiture, puisque lui on l'a entendu, contrairement à Catherine. Est-ce que Jean-Marie vous avez entendu Catherine? Ah moi j'ai pas entendu, mais si elle veut Catherine, je lui fais faire un petit tour dans la voiture. Hein. Oh non. Merci. Bonsoir. C'est merci pas, beaucoup. C'est pas faire. Je suis désolé, Catherine. Merci. Désolé, Catherine. Au revoir. Catherine, vous repartez avec un stylo énergie, Catherine. Catherine, vous repartez avec un stylo, vous raccrochez pas, d'accord ? Merci, merci beaucoup. Hein, on va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer le tout dernier stylo énergie, hein, des Energy Music Awards pour Catherine. Catherine, on vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir, bravo, Catherine. Bravo, JM. Ouais. Catherine. Oui. Catherine, quelqu'un veut vous dire quelque chose. Dites-moi. Allô ? Oui ? Ah bon, c'est moi, c'est Sam. Oui, mon cœur. C'était une blague, c'est sur Énergie. Super. Bon, ben écoute. Catherine, il n'y avait pas de voiture, mais grâce à vous, Samuel remporte un beau cadeau, c'est une vanne. Catherine, on n'a jamais eu de voiture, on n'a pas les sous, je vous le dis. Ah bah oui, j'imaginais même bien. Même nous, on n'a pas de voiture. Vous imaginez bien avec des animateurs comme ça, avoir une voiture, c'est pas possible. Catherine, mais votre fils remporte un très beau cadeau. On a des écouteurs, on a des enceintes, on a même un voyage pour deux personnes. Il va choisir, Catherine, et c'est un plaisir. D'accord, Catherine ? Mais merci à vous. Merci à bon, on vous embrasse. Merci désolé pour la fausse joie. Non, mais je vous en prie. À bientôt, Catherine. Merci. Au revoir. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Elles sont libres, elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne. Tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine. J'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, elle est ma peine. Énergie, salut la France qui se lève très tôt. On écoute Dinero avec Gigi D'Agostino dans Pays Énergie. C'est dans moins de 3 minutes avant 5h du mat et après le meilleur de Koé sur Énergie. C'est à 17h Koé chaque après-midi en direct et puis là le matin en mode best-of. 17h, 20h. C'est Koé sur Énergie. Allô ? Brico Marché Albert, bonsoir. Oui, c'est le Brico Marché d'Albert, bonsoir. C'est Koé, on est sur Énergie. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien. Vous êtes en forme ? Comment ça va dans le Nord ? Ça va bien, Albert ? Bon, alors je vous explique, demain c'est quoi? Demain vendredi c'est le Friday. Black Friday. Et alors on va chanter, on va changer un petit truc ce soir. J'ai envie de vous détendre et j'ai envie de lancer le Black Friday. Ouais. Ok, c'est que des blagues, je vous les balance. Ça vous fait rire, ça vous fait rire, c'est pas grave. Si jamais vous riez pas, je vous les facture pas. D'accord? On y va? On y va. Alors on y va. C'est facturé au rire. Hein. L'autre jour, j'étais en train de bricoler. Vous avez vu, je vais faire un truc sur le bricolage. Oui. J'étais en train de bricoler. Ma femme arrive et me dit « Ton marteau me fait songer à la foudre. » « Ah bon? Parce qu'il est rapide ?»« Non, parce qu'il frappe jamais deux fois au même endroit. Ouais. » Ça passe ou pas? Ouais. Moi, sinon, j'en ai une plus marrante. Attendez. Bon, ok, vas-y. Vas-y. Je l'ai dit. Vas-y. Ouais. Pourquoi les lapins sont verts? Je ne sais pas. Parce qu'on les a peints. Parce qu'on les a peints. Ouais, d'accord. Ouais, okay. Ok, j'en ai une autre spéciale bricolage. Ok, on y va? On y va? Ouais. L'autre jour, je vais chez le docteur. C'est toujours l'autre jour. Il me dit, vous avez des cailloux dans les reins et du sable dans l'urine. Alors je lui réponds, du coup, si je pisse dans un sac de ciment, ça fait du béton. Celle-là est pas mal. Ah, celle-là est pas mal. T'as vu, je commence à avoir un client, les gars. Ouais, t'as validé. Attention, j'en fais une blague sexe et bricolage. On y va ? Ok, vas-y. Ok, combien y a-t-il de positions dans le Kama Sutra ? 69. Non, 68, parce que la 69e, on nettoie les outils. C'est nul. Alors valide ou pas? Non, valide. On valide. On valide tout, hein. On valide tout. Bon ben j'en ai plus, hein. Ah si, hey, pourquoi les bricoleurs sont respectés par leurs enfants? Parce qu'ils leur serrent la vis. Ah ouais. Bon, oh, j'en ai une dernière. Allez, une blague de concurrent. On y va, une dernière. Un jour, Dieu dit à Casto de ramer. Et puis Castorama. Cette blague ne sera pas du tout dans le webman. Ça rigole dans le public. Hein. Ouais, ça vous fait kiffer. Bah, c'est et sûr. Dieu a demandé à David Devoir et David Guetta. Bravo, je valide. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous, le bricomarché. À bientôt. Est-ce que vous êtes en forme pour demain? Est-ce que vous êtes moi, j'ai notre blague aussi. Ah d'accord, c'est une compète. C'est parti. Ok, ça fait. Bon, on y va alors. Melon et Melèche qui sont dans la cuisine. Melon prépare les tomates et Melèche l'oignon. On était pas prêts. On était restés sur du bricolage. Nous porte. On était pas prêts. Non. Et l'autre, elle te dit ça. Il fallait prévenir, madame. Elle te le dit, tu sais. Alors, j'en ai une honte. Si je peux me permettre. Quel est le prénom de la personne qui l'a dit? Comment? C'est quoi le prénom de la personne qui l'a dit? Non, c'est personne. Vous avez pas envie de la dire au micro dans le magasin? Ah ouais. C'est fermé. Ah, trop tard. Ça aurait été rigolo. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Salut. À bientôt. Salut, le bon marché d'Albert. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, c'est parti là, jusqu'à 6h, le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Juste avant ça, on se fait The Prince Karma, Maître Gim, c'est pendant une heure, on se fait les meilleurs moments de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil tout le monde, c'est vendredi. Ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop.

Énergie, salut tout le monde. Vendredi 23 novembre aujourd'hui, c'est Cédric. Je crois que c'est là ce matin. Alors ouais, tiens, aujourd'hui c'est peut-être le jour J. Hein. Vous allez gagner 10 000 euros à 8h30 dans le son à 10 000 euros chez Manu dans 6-9 sur Énergie. Ouais, mais alors comment gagner? Bah écoutez, Manu dans 6-9 sur Énergie, là il arrive en direct dès 6h. En attendant, on écoute Sia, Drake et le meilleur de l'émission sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu et tous ses wawa sur Énergie. Nous parlons du balèze autour de nous. Yes. Qui est le balèze autour de vous? Quelqu'un, vous dites waouh, lui il est trop fort. 0870 42 48. Glandu. Moi c'est mon cousin Benjamin. Ah, Benjamin, Benji. Ouais, Benji. Okay. Il arrive à bloquer sa glotte et à boire une pinte de bière ou d'eau, c'est selon, cul sec. D'un coup. J'aime bien le oudo, oui. Parce que tu t'es dit que faut pas trop parler d'alcool, alors t'as rajouté oudo. Et en fait, clairement, ton cousin, il boit des pintes de bière très rapidement. Ouais, c'est ça, en moins de 15 secondes, quoi, ou 10 secondes, il arrive vraiment à vider la pinte en bloquant sa glotte. C'est quand même, c'est une pinte, horrible. C'est un demi-litre, hein. Ouais, c'est ça. Hein, oui. Ouais, c'est fort, non, mais franchement. Mais la prouesse, c'est pas tant de boire la pinte, c'est vraiment, oui, de bloquer la glotte. Ah, ouais. Ouais. Bah, la prouesse, on est d'accord que c'est pas Sam, ton cousin. Ah non, non, non. C'est ça le truc, surtout. Benji, c'est pas le dernier. Non, non. Très bien. Paulette. Mon tonton Roland a arrêté un serial killer. Non. Quoi? Hein? Ouais. Alors honnêtement, il est moins fort que Benji, parce que Benji, ouais, tu connais pas Benji? Benji, il boit une bière en 10 secondes. Il a arrêté un serial killer, mais il fait quoi ton tonton? Il est au FBI? Non, il est inspecteur de police, et c'est lui qui a résolu l'affaire. Il a travaillé sur l'affaire avec 3 inspecteurs, ouais, et il se tirait un peu dans les pattes parce que tout le monde voulait résoudre l'affaire. Oh. Et finalement, c'est lui qui l'a résolu en trouvant une trace d'ADN sur une éponge chez une victime. Waouh! Bien que les inspecteurs, ils se tirent la bourre comme genre des commerciaux chez le photocopieur. Mais oui! C'est moi qui vais vendre le photocopieur, non? C'est moi qui vais résoudre l'énigme. Bah, oui. Et ils se font des croche-pattes, genre, non, désolé, la preuve, elle a disparu. Alors ça, c'est étonnant, quoi. Il a résolu un crime pour nous. Incroyable. Il est toujours dans la police? Il est toujours dans la police, ouais. Oh, wow. Wow. Comme quoi, au sein d'une même famille, tu peux avoir lui et Paulette. Et Paulette. Lorraine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Salut. Bienvenue sur Énergie Lorraine. Qui est le ou la balèze autour de toi? Eh bien moi, la balèze, c'est ma sœur Léane. En fait, elle arrête les brûlures quand tu as eu un coup de soleil ou quand tu t'es brûlé, simplement en effleurant ta peau. Wow. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, elle met ses mains sur toi et ça t'enlève le coup de soleil? Tout à fait. J'ai entendu parler de ces trucs-là, il y a des reportages des fois à la télé, ça me fait peur. C'est ouf, ça. C'est comme la Dame Blanche. Ça s'appelle les coupeurs de feu. Je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait parce que je m'étais brûlé les cuisses un été et il y avait une magnétiseuse qui m'avait enlevé le feu comme ça. Mais sa technique, c'était poser les mains et c'était un peu dégoûtant. C'était roté pour sortir le feu. Quoi? Ah ouais, c'était dégoûtant. Mais en revanche. Alors, Paulette, ouais, franchement, oui, si t'as besoin, si t'as des coups de soleil, tu m'appelles. Hein. Je te les enlève. Hein. Alors là. Ça avait marché. Ça avait marché. Mon cousin Benjamin, si, il rotait. Non, c'est cool. Après la pince. Merci beaucoup, Lorraine, de nous avoir appelés. Grâce à toi, on a eu ce bon petit moment. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. I'm fighting a battle, yeah. I'm fighting.

FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Cdiscount vous offre 15 000 euros de cadeaux pour le Black Friday avec énergie. Aujourd'hui dès 6h. Écoutez Manu dans le 6-9. C'est trop bien, merci Manu. Et dès 17h, c'est Coé sur énergie. Merci Coé. Pour le Black Friday, Cdiscount met en jeu 15 000 euros pour vous faire plaisir. 15 000 euros à gagner aujourd'hui avec Manu et Coé. Energy, Hit Music Only. Energy. Still, I be talking cash shit while I'm popping my gold frill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still.

Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil. Tout à l'heure 7h05 et 8h05, Manu Dou va être à l'air, dont 6-9 sur Énergie. Inscrivez-vous hein, ce matin, énergie.fr. Ça, ça pourrait le faire en plus aujourd'hui, c'est le Black Friday. Voilà, pour ceux qui veulent faire du shopping, ça peut être carrément cool. En attendant, c'est Soprano, Lady Gaga, Kungs et puis le meilleur de Manu, dont 6-9 sur Énergie. Avant son retour en direct dès 6h tout à l'heure. Manu dans le 6-9. À la qui voit, inspecteur Manu, tu. Sur Énergie. On vous prend au téléphone. Et ça va vous faire du bien. Les papas, les mamans, venez nous dire pourquoi, pour quelle raison totalement improbable, votre enfant a pleuré. Angélique, bonjour. Bonjour Manu, salut les ouin-ouins. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton fils ou ta fille? Bah écoute, je faisais du collage avec mon fils et tout d'un coup, il se met à pleurer. En fait, je venais juste de lui expliquer qu'il pouvait pas manger la colle. Ah oui. Ah, yes. Ah, mais ça, quand on est enfant, on a envie de tout manger. Ouais. On a envie de tout mettre à la bouche. On mange, oui, ouais. On est glouton. Ouais. Et évidemment, s'il ne peut pas manger la colle, il pleure. C'est normal. Et il ne faut pas manger les gens non plus. Voilà. C'est bien de leur apprendre. C'est important, évidemment. Tous les enfants qui nous écoutent, ne mangez pas les personnes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Gros bisous, Angélique. Romain, bonjour. Salut, Manu. On t'écoute. Ouais, alors hier soir, à table. J'ai donné le verre Bob l'éponge à ma fille pour qu'elle boive et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle voulait la Reine des Neiges. Ah oui. Ah, ah bah oui. C'est ouais. Alors c'est marrant, j'ai connu ça avec ma fille aussi. Ah sérieux? Oh, il y a un moment, c'est chiant. Hein. Alors il y a un moment, je lui ai dit, ouais, la bouteille. Hein. Oh, parce que elle te demande, honnêtement Romain, elle te dit, je veux un verre Bob l'éponge, donc toi ouais. Tu fais tous les magasins du monde pour trouver ce putain de verre Bob l'éponge, oui, t'arrives et le soir, tu lui poses sur la table et elle fait... J'aimerais bien de la Reine des Neiges. Ouais. Putain, tu sais quoi, tu vas pas boire ce soir. Oh non. Si tu veux boire, tu fais comme le chat, il y a les chiottes. Oh. Non, Manu, tu perds un peu vite patience quand même avec ton enfant, je trouve. Oh, l'éducation. Hein, c'est une blague. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Romain. Nicolas, bonjour. Oui, salut l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ton fils, ta fille, ton enfant a pleuré pour une raison improbable? Donc moi, c'est ma fille qui est au CP. Elle s'est mise à pleurer parce que sa maîtresse lui a mis félicitations sur son devoir. Elle aurait préféré avoir bravo. Ah, ah, ah, ah. Ah putain, j'étais content. Félicitations, j'ai jamais eu, moi. Ouais, moi, j'étais content quand elle marquait pas mieux faire. Alors bon, merci de nous avoir appelé, Nicolas. Lisa, bonjour. Salut Manu. À quel moment ton enfant s'est mis à pleurer pour une raison totalement surréaliste? Alors nous, on regardait la télé. Et là, ma fille a pleuré parce que le son de la télé n'était pas sur un chiffre rond. Oula. Aïe. C'est le début des tocs, ça. Ah ouais, ouais. Mais non, ça va être une mathématicienne. C'est super, elle a des chiffres. Alors, Isabelle, je vais te décevoir, mais non, on n'est pas mathématicien quand on aime un chiffre rond sur une télécommande. Ouais. On est juste un peu moins. Merci de nous avoir appelé, Lisa. Mathilde, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. À quel moment ton enfant s'est mis à pleurer pour une raison totalement improbable? Bah alors moi c'est ma fille, bah la dernière fois on était au parc et d'un coup elle s'est mise à pleurer et en fait c'est parce qu'elle voulait un appareil dentaire comme la copine à côté d'elle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit on va vous mettre un appareil dentaire, ça nous casse le moral. Bah ouais, c'est quand t'es enfant, t'en rêves. Ouais. T'as l'impression d'être un super héros. C'est pareil avec les lunettes. Moi, mon petit garçon de 5 ans, il veut des lunettes, quoi. Ah ouais. Mais il voit très bien, donc c'est embêtant. C'est compliqué. Vous nous fatiguez. C'est compliqué. Oh, je m'adresse aux enfants, vous nous fatiguez. Tellement. Merci Mathilde de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Dès 6h. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Fear.

Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, guys like me, so now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like me, me, do what I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Et vendredi matin sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous tous. On se fait Bad Bunny avec Drake dans la playlist Énergie. Retour en direct juste derrière de Manu dans 6-9 sur Énergie. On va vous offrir l'argent hein, tout à l'heure. 10 000 euros à gagner grâce au son à 10 000 euros. C'est chez Manu dans 6-9 sur Énergie à 8h30. D'ici là pour vous, le meilleur de l'émission et Bad Bunny juste derrière. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu, Manu et les Wouin-Wouin dans le 6-9 sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Isabelle dit chouchou. Chouchou. Je vous ai posé trois questions il y a une vingtaine de minutes. Vous avez eu le temps de nous appeler au 0870 42 48 pour y répondre. Ce sont les questions du petit train des questions. La première. Quel serait le pire métier à faire tout nu? Imaginez. Prof. Pas con, Isabelle. Ah ouais. Ah là là. Prof, c'est compliqué. Ah, c'est gênant. Ouais, hein. C'est difficile, quoi. Puis ouais. Quand tu rends les copies, ouais, ouais, petit zizi, ça va, deux secondes. C'est clair. On a Antoine avec nous au téléphone. Bonjour, Antoine. Salut, salut. Quel serait le pire métier à faire tout nu? Bah, franchement, c'est le mien. C'est plombier et à quatre pattes sous l'évier, ça serait pas top. Ah, c'est vrai. En même temps, vous avez déjà commencé avec l'histoire de l'arrêt du plombier quand même. Hein. Ouais. Vous êtes à moitié. Ouais, mais si on l'avait plus, justement, ce serait frustrant, quoi. Si on a plus la fameuse raie du plombier. Ah. C'est vrai que là, on aurait tout. C'est ouais, des... on aurait tout. Ouais. Voilà, c'est comme dormir tout nu, tout est dévoilé déjà. Hein. Alors que nous, on veut juste avoir la petite raie du plombier. Voilà. Ah, vous nous faites rêver. Les images. Antoine, c'est un très beau métier, tu nous fais rêver. Pire métier à faire tout nu, glandu. Apiculteur. Oh. Ah oui. Ah, c'est compliqué, quoi. Ok, t'as gagné. Ouais. Ouais, c'est galère. Deuxième question. Quelle est votre opinion sur la Lune? 0870 42 48. Paulette. Pour moi, la Lune, c'est un satellite d'observation extraterrestre. Et en fait, personne ne le sait, évidemment. Et eux, de là-bas, ils se marrent bien. Ok, t'es taré. Non, c'est flippant. Okay. Oh là là. Élodie, bonjour. Salut toute l'équipe, salut. Quelle est ton opinion sur la Lune? Alors moi, je pense que la Lune, elle a vraiment des répercussions sur le comportement. Et plus la Lune est pleine, plus les gens sont agressifs, c'est terrible. Ah, c'est comme glandu, plus il est plein, plus il est agressif. Oh, c'est drôle, ça, on rigole, hein, vraiment. Ah, ça fait un peu comme avec la Lune. Merci de nous avoir appelé, Elodie. Quelle est votre opinion sur la Lune, Isabelle? Ah, pour moi, vraiment, la Lune, ça rime avec le bain. Tu vois, à chaque pleine Lune, en fait, je la vois depuis ma baignoire, par la fenêtre de ma salle de bain. Mmh. Et donc, je suis comme ça dans mon bain et je la regarde et je m'en lasse pas. Et Manu, tu vois, j'ai même l'impression qu'elle m'attire, quoi. Il y a un truc très fort à chaque joli. Fois. Ah ouais, ouais, c'est ah. très beau. C'est ouais. quoi? Va faire un tour, hein. Tu nous rappelles de là-haut, tu nous dis comment c'est. Okay. Troisième question du petit train des questions. Quelle est la plus grosse coïncidence à laquelle vous avez été témoin dans votre vie? Nico. Moi, je crois que c'est il y a deux ans, quand je suis parti en voyage de noces avec ma femme, on rentre dans l'avion et qui y avait à deux rangs de nous dans l'avion? Il y avait mon ex qui elle aussi partait en voyage de noces. C'est Et en fait, moi j'ai reconnu mon ex, donc ma femme aussi évidemment, parce qu'elle avait vu des photos, des trucs, et on ouais. a su qu'ils étaient en voyage de noces parce qu'ils nous offraient les coupes de champagne au couple qui partaient en voyage de noces. D'accord. Donc voilà, et on avait 9 heures d'avion. Donc ma femme m'a fait la gueule pendant 9 heures, globalement. Et vous avez eu la réduction, le truc, le surclassement de. Ah non, pas du tout. Non, ah non. Bon, ah bon. Ouais, non. Bon. On a demandé, hein. Ils nous ont dit ça fera 2000 euros. On a dit du coup, on va rester là. Christine, bonjour. Salut Manu, salut les Wouin-Wouin. Quelle a été la plus grosse coïncidence de ta vie? Eh bien, écoute, moi, il n'y a pas longtemps, je passe à la pharmacie, je discute avec la pharmacienne que je connais bien, et elle me dit que sa journée commence mal parce qu'il y a un oiseau qui vient lui faire popo dessus juste en arrivant au boulot. Bon, ben, c'est bien, je quitte la pharmacie, je pars au boulot, et ni une ni deux, en sortant de la voiture, eh bien, il m'est arrivé la même chose. Oh, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, soit okay. C'était le même pigeon, il avait pas digéré. Ouais, ouais, peut-être. Soit c'est les potes, et ils sont là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on va chier sur les gens. C'est quoi? Chacun s'amuse comme il peut, les pigeons, c'est ça? Ils ont pas de bras, ils peuvent pas faire le tennis, donc il faut caca. Merci de nous avoir appelé, Christine. Belle journée à toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Ajá. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Nah. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, yeah. Tus ojos me concentran como Adelal, yeah. Contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high, el terno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. I'm not angry with you. move on. Things gonna be sur Énergie, 5h55, tout le monde va bien? Ouais, ouais. Ok, c'était pour vérifier. Ce sont les consignes de sécurité. On est d'accord que Nico, il y a un truc qui a changé sur toi là. Ouais, il y a un truc, ouais, on va en parler. Wow. D'accord, ok. Ouais, ouais. Enfin, ma vie a changé globalement. Ah, c'est smart. Voilà. Ta vie a changé carrément depuis, avec depuis ça hier. Ah, oui, évidemment. Ouais, ouais, ouais, ouais. Nico a un nouveau truc sur lui. Et, ouais. Il se voit, qui se voit beaucoup. Ah, bah ça se voit. Hein, ouais. C'est, oui, oui, oui, oui. C'est incroyable. Ah, ouais. Trois testicules. On va en parler juste après les infos de 6h. Avec plaisir. Avant ça, c'est notre moment, le moment que tout le monde attend. Si tout le monde écoute notre émission, ce n'est pas pour l'émission en elle-même. Non. À partir de 6h, c'est un peu en dessous. Ouais. Là, c'est les 5 minutes vraiment qu'il faut écouter. Ouais. C'est le club du 555. Vous êtes avec nous, et ben vous en faites partie. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de mocassin, pas besoin d'enlever sa casquette. On peut être en tongs dans le club du 555. Et, oui. Ouais. Et moi-même, j'enlève mon pull parce qu'il fait chaud. Ah ouais. C'est ça le club du 555. La liberté de parler, la liberté. Ouais. Le club du 555, gilet jaune. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours à 5h55? Ben on s'écoute un titre qui va nous faire plaisir, qui va nous lancer la journée, qui va lancer l'humeur de la journée. Aujourd'hui, un 5-5-5 un peu spécial dédié à une personne. Ah ouais? Ah. Il y a une personne dans la radio qui va partir aujourd'hui. C'est son dernier jour. Ouais. Ouais. Morgane. Et ouais. Alors Morgane, c'est qui? Vous le connaissez pas? Il est dans les bureaux. Hein. Mm-hmm. Intéressant ce concept de bureau d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est amusant. Ouais, c'est pas mal. Et c'est le directeur des programmes d'énergie. Et ouais. Il est là depuis que je suis venu parce que c'est lui qui m'a fait venir. Ah. Et aujourd'hui, il s'en va. Et je me dis, je peux lui faire un club du 5-5-5. Oh bah ouais, ouais. C'est la moindre des choses. Alors, Morgane, il s'occupe des programmes, il s'occupe de nous, il s'occupe aussi de la musique. Mm-hmm. C'est lui, entre autres, qui décide, bah tiens, ce titre-là, il est pas mal, on pourrait le mettre dans la playlist énergie. Et, comme tout le monde, Morgane, il a aussi des goûts un peu décalés, quoi. Ouais. Mm-hmm. Comme moi, par exemple, je connais pas mal de chansons de Michel Sardou par cœur. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut considérer que c'est un peu décalé. Ouais. Et ben lui, son truc un peu décalé, son truc un peu spécial, c'est Billy Idol. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que vous voyez qui est Billy Idol? Oui, vite fait. Ouais. Un vieux rocker qui a connu Napoléon. Voilà. Ouais, ouais. Pour vous donner une idée. Alors je me suis dit, tiens, ce serait sympa dans le club du 555 de se mettre à Billy Idol. Oula. Donc hier, je me mets sur Spotify, j'écoute Billy Idol. Ouais. Et effectivement, c'est Napoléon. Ouais. Mais en cherchant, tiens, est-ce que ça s'appelle pas une coïncidence? Ouais. Billy Idol vient de sortir un album de remix. Incroyable. Oh, ah ouais. De tous ses hits. Bah, allez. Et franchement, c'est pas mal. Ah cool. Ah, okay, allez. Et on va se l'écouter. Ouais. Et je pense qu'on peut se dire, putain, ça pourrait rentrer dans la playlist énergie. Carrément. Au moment où Morgane s'en va. Ah, ah, c'est énorme. Est-ce que c'est pas un énorme bras d'honneur que Billy Idol fait à son fan? Putain. Des fois la vie te met des gifles. Ah oui. Oh, c'est con, tu pars au mauvais moment, mec. Voici Billy Idol White Wedding, le remix 2018. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shot, shot, shot, shot, shot. Nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to Yeah.